Wesh Ness, t'as fait quoi hier soir? Hier, la merde, mon frère, je me suis fait courser par les flics. Non. La merde, ben ouais, j'espère qu'ils m'ont pas vu ces bâtards. C'était la galère, ben ouais, laisse tomber. Amir Ness. Ouais, je crois. Ton sahab, il t'a bouquin. Non, qui ça? Le gars que tu traînais hier là. Ah, tu viens de connaître à peine. Putain, pourquoi il a fait ça? Je sais pas, mais on va s'occuper de ça. T'inquiète, on va s'en charger. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. T'es sûr, c'en est un. Fais gaffe dans ce monde, des fils de pute, j'en ai plein. Sûr, c'est sûr qu'il sera toujours un. À côté de toi, peu importe ce que tu feras. Son pote, ton pote, t'es sûr, c'en est un. Fais gaffe dans ce monde, des fils de pute, j'en ai plein. Sûr, c'est sûr qu'il sera toujours là. À côté de toi, peu importe ce que tu feras. J't'appelle Proto, Pro, ou frérot. T'es la personne en qui j'ai confiance, sur mon dos. Dans la vie, j'en ai connu des faux. Trop d'amis m'ont déçu, m'ont tourné le dos. Un vrai ami te supporte dans chaque situation. Quoi que tu fasses, il te suit sans hésitation. Mais attention aux amis vicieux qui jouent bien leur rôle. Face à toi, sont chaleureux. Sans que tu t'en rendes compte, tu deviens malheureux. Quand un ami te poignarde dans le dos, c'est douloureux. Choisis bien tes potes et à qui tu te confies. Sois sûr qu'ils soient avec toi dans chaque conflit. De nos jours, c'est dur de trier le bien du mal. Comment savoir qu'il y a un âme propre ou sale? Faut faire l'expérience et voir comment ça se passe. S'il te baise, oublie-le et trace. Son pote, ton pote, t'es sûr, c'en est un. Fais gaffe dans ce monde, des fils de pute, j'en ai plein. Sûr, c'est sûr qu'il sera toujours là. À côté de toi, peu importe ce que tu feras. Son pote, ton pote, t'es sûr, c'en est un. Fais gaffe dans ce monde, des fils de pute, j'en ai plein. Sûr, c'est sûr qu'il sera toujours là. À côté de toi, peu importe ce que tu feras. Trop de poteaux derrière ton dos te baissent. Faut reconnaître les vrais, ceux qui te mettent à l'aise. Ceux qui se tapent pour toi quand y'a une embrouille. Ceux qui flippent pas quand il s'agit de montrer leurs couilles. Faux frères, parasites ou faux amis, appelle-les comme tu veux, ça reste que des sosies. Ces langues de pute que tu croyais dans tes rangs ne semblent être en fait qu'une bande de chiens errants. Pas beaucoup dans ce monde ont un vrai ami. Un ami qui te supporte jusqu'à la fin de ta vie. Et va savoir si ça existe. Contre la jalousie, aucune amitié résiste. Donc fais attention à tes fréquentations. Plus tu crois en eux, plus ils te la mettront profond. La fin de la romance ne fait confiance à personne. Repense à la balance quand la bac sonne. Son pote, ton pote, t'es sûr, c'en est un. Fais gaffe dans ce monde, des fils de pute, j'en ai plein. Sûr, c'est sûr qu'il sera toujours là. À côté de toi, peu importe ce que tu feras. Son pote, ton pote, t'es sûr, c'en est un. Fais gaffe dans ce monde, des fils de pute, j'en ai plein. Sûr, c'est sûr qu'il sera toujours là. À côté de toi, peu importe ce que tu feras. C'est pour les gros, c'est pour les vrais comme les faux. Pour faire la différence, il faut faire ce qu'il faut. C'est de la force qu'il faut pour savoir ce qu'il vaut. Savoir si c'est un frère et jusqu'à quel niveau. J'en place une pour les faux. Big up à tous les mecs qui ont sorti la tête de l'étau. Consulte rier les vrais amis et les podos. Consulte vénère contre ceux qui la mettent à l'envers. Les pires traîtres, tu considérais comme tes frères. Qui étaient avec toi, car profiter ils savaient le faire. Mais le pire dans l'affaire, c'est la confiance. Tu te rends compte de ce qu'ils disaient font en ton absence. Tu t'en trahis, aïe, dans tous les sens. Ces mecs, tu les connaissais depuis ton enfance. Ça devient dark quand t'as plus aucune corde à ton arc. Prends ton bloc, tu sais dans quoi tu t'embarques. Son pote, t'es sûr, c'en est un. Fais gaffe dans ce monde, des fils de pute, y'en a plein. Sûr, c'est sûr qu'il sera toujours un. À côté de toi, peu importe ce que tu feras. Son pote, ton pote, t'es sûr, c'en est un. Fais gaffe dans ce monde, des fils de pute, y'en a plein. Sûr, c'est sûr qu'il sera toujours là. À côté de toi, peu importe ce que tu feras. Son pote, ton pote, t'es sûr, c'en est un. Fais gaffe dans ce monde, des fils de pute, y'en a plein. Sûr, c'est sûr qu'il sera toujours là. À côté de toi, peu importe ce que tu feras. Son pote, ton pote, t'es sûr, c'en est un. Fais gaffe dans ce monde, des fils de pute, y'en a plein. Sûr, c'est sûr qu'il sera toujours là. À côté de toi, peu importe ce que tu feras. Son pote, ton pote. On va le choper, t'inquiète. T'inquiète, on va l'avoir. Arrête-toi, il est là, il est là. Ah ouais, fils de pute. C'est comme ça que tu veux l'en faire, ta mère. Bah tiens, tiens, tiens, fils de pute.